New York, une gamine de 12 ans, Jean De Niro. Cette semaine, on a maté Taxi Driver. Cette semaine, on a maté Léon et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Léon le professionnel, le titre québécois. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et bonsoir Greg. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Léon de Luc Besson, sorti en 1994, de 110 minutes, 136 minutes, version longue avec Jean Reno, Gary Oldman, Nathalie Portman et Danny Aiello. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Écoutez la musique. Tu aimes Beethoven? Tu peux pas vraiment dire. On avait dit midi. Et il est déjà midi. Toi, tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr. Moi aussi, je l'adore. C'est meilleur. J'adore Mozart. Waouh. Je t'aime. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles? Il a dit, restez pas dans le couloir. Bon, ça va, ça défouraille, hein. C'est bon, d'avance amateur. Hein. Ouais, ça a l'air d'être amateur. Ouais. Je m'excuse parce que c'est assez médiocre. Ouais, on a l'habitude des quand même des belles bandes annonces dans 2 heures de perdu, donc effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Moi, j'ai adoré. Franchement, j'en avais un bon souvenir et ça m'a fait kiffer de le revoir. C'est bien que tu sois là, Marmar. C'est important. Il y a un film que t'as pas aimé cette année, Marmar? Attends, il y en a plein que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est tous ceux que vous aimez bien. C'est ça. Les autres? Bah moi, écoute, c'est probablement le meilleur Besson et c'est ça qui me fait peur, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que c'est un de ses meilleurs, mais je le trouve quand même pas très bon. Je trouve que c'est quand même assez pauvre cinématographiquement. Je suis tout à fait d'accord avec Mickaël. Ah ouais, Mickaël a vraiment raison. Non mais la photo, je veux dire, voilà. La production. Non, enfin moi je trouve pas ça ouf, quoi. Moi j'aime bien. T'as compris. Moi j'aime bien ce film et j'en avais un bon souvenir et ça m'a fait plaisir de le revoir. Après il y a des choses à l'intérieur qui me paraissent un peu étranges, mais on va en parler. Enfin des trucs un peu glauques. C'était la page de pub au milieu, non? Et toi Greg? Moi c'est passé vite, et bizarrement, tu vois, ça m'a Quelle pas... Quelle vitesse déjà. Non, parce que ouais, normal, ça passe quoi. Vite avec toi, 50%. Non, vitesse normale, non mais c'était pas trop chiant à regarder, c'était joli et tout. Après bon bah l'histoire elle est joli, merdeuse l'histoire. Si c'est bien filmé. C'était pas Avatar non plus quoi. Ouais, Avatar c'est moche. non mais là c'est joli, t'étais dans un vieux New York et tout, années 80, oui, c'est un peu vrai. Sympa quoi. Donc c'est bien passé. Après c'est nul quand même, hein, parce que l'histoire, tu sais, t'as genre une histoire qui pourrait être cool, mais lui il zappe toutes les causes et les conséquences pour rester sur une demi seconde de film quoi, en fait, où ça cartonne. Moi je donne mon avis, je trouve que c'est un immense gâchis. Il y a énormément de trucs que je trouve très très très cool, notamment sur papier et tout, il y a plein d'idées, le personnage de Léon, tout, l'histoire est vraiment cool. Mais il y a trop de trucs qui sont insupportablement à chier dans ce film, à commencer par ces plans musique super longs qui sont extrêmement agaçants et genre tire sentiment à vomir. J'ai même pas pleuré. Ouais, mais c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup moins de valeur dans ce film que ceux qu'on fait d'habitude. En même temps, il installe pas trop le truc pour te faire pleurer, quoi. Bah, ouais. En même temps, il est dans la surface tout le temps, en fait. Tout est en surface, quoi. Barbara est très sensible, elle a pleuré sur Piège en haute mer. Ah, bah, c'est sûr que, j'ai une blague sur la surface. C'est sûr que c'est par le grand bleu, hein. Non, mais je trouve, il y a quand même des passages assez émouvants. Moi, je trouve que Nathalie Portman, elle est plutôt bien et lui aussi ça marche bien et je trouve moi j'ai été ému à certains moments, je vous le dirai au déroulé du podcast. Bah, c'était pendant la pub justement. Bon, voilà. Qui c'est qui résume l'histoire? Pas Barbara, pas Mickaël. Allez, je vais le faire, ça fait longtemps. Allez, vas-y. Alors on a un tueur à gages qui s'appelle Léon, qui est italien, donc il arrive tout droit d'Italie, hein, enfin ça fait un moment qu'il travaille. Ouais. Et il habite à côté d'une famille de cassos, hein, on peut le dire, qui planque de la drogue. Et il se trouve que ce Manos, eh ben, il va planquer de la drogue et il va en voler un petit peu et arrive. Le gars qui lui avait confié la drogue, il est pas content du tout, donc il va faire un gros carton. Et là, il y a la petite fille de la famille qui va se retrouver orpheline, et Léon, eh ben, il va récupérer la petite fille, et la petite fille, elle va vouloir venger sa famille, et en même temps, elle va un petit peu s'attacher à Léon, et Léon va s'attacher à elle pour finir sur une grosse castagne. Voilà. Attends, alors, quand tu dis la petite fille, on n'a pas du tout l'impression que c'est Nathalie Portman habillée en pute de 12 ans, quoi. Ouais, c'est pourtant la petite fille. Ça reste une petite fille, hein. Il y en a qu'on fait de la prison pour ça. D'ailleurs, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, c'est un petit peu l'histoire de Besson qui s'est marié avec Maïwenn à 16 ans, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, elle apparaît dans le film à un moment donné, hein. Bah, elle qui fait la prostituée fait la pute, au début, la prostituée blonde. Et en fait, ouais, et c'est complètement, enfin, c'est pas assumé, mais Maïwenn, elle en a parlé, et c'est effectivement, elle l'a rencontrée quand elle avait 12 ans et elle est tombée amoureuse de lui quand elle en avait 15 et lui il avait 32 ans. Ouais. Et mais c'est il n'était pas tueur à gages par contre. Il faisait déjà des films. C'est complètement par contre assumé, je pense. Et il y avait des versions de scénario où il y avait, enfin, où ça allait plus loin dans les déclarations. Non, dans les déclarations. Et c'est les parents de Nathalie Portman qui ont dit qu'ils étaient pas super. Les déclarations de revenus. Ils allaient faire les papiers dans une version du film. Il y a même il y a des projections tests qui ont été faites à Los Angeles sur la première. Dans des églises. Ça a pas marché. J'ai été choqué. Sur le premier montage du film, mais ils ont enlevé des séquences qui étaient trop, en fait, qui étaient trop explicites sur cet amour cette gamine. Oui, ils ont enlevé une scène où ils allaient tous les deux à la fête foraine dans les grands huit. Ils achètent une pomme d'amour, enfin, c'était quelque chose d'indécent. Mais à côté de ça, il fait quand même des trucs bien, bien merdeux, hein. Tu sais, les petites scènes de montage et tout dont on va parler. Ah oui, il y en a pas mal. J'ai toutes notées les montages. Ah bah ouais. Mais, je pense pas qu'on va en reparler, il faut pas qu'on en parle, c'est pas le sujet de cette émission, mais, quand même, Luc Besson a, je pense, un petit pépin avec les nanas, hein, quand même. Hein. Ben, on en parle maintenant. Il a un pépin avec les femmes. Dans tous ses films, il y a quand même des relations hyper bizarres. Et alors là, celle-là, avec une enfant de 12 ans, j'ai trouvé ça particulier. Le film s'ouvre sur New York City. Très bien filmé, ça, par contre. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment canon. Non, c'est vrai, c'est ensuite, canon. Apparaît le nom en énorme d'Eric Serra, que je déteste. Et alors là, ça s'est effondré. Je trouve que la moitié de la musique de ce film est très bien. Attends, celle qui est un peu orientale. Et alors, tout le reste, accordéon et tout. Alors, quand vous m'expliquez pourquoi il y a de la musique égyptienne du début à la fin. Égyptienne, comme tu y vas. Un peu violon, un peu oriental. Il a tous les clichés de la musique égyptienne. Tu demandes en musique égyptienne. Ça ressemblait pas mal à la musique du cinquième élément aussi. C'est exactement la même chose, cette espèce de. Non, ça fait longtemps que je me le suis pas tapé celui-là. J'espère pas. Mettez-le dans le chapeau, moi je pense. Il est pas dans le chapeau. Ça fait plus musique tzigane que musique égyptienne. Ah bah non, bah réécoute. Bon alors là, toi tu connais vraiment pas les tziganes. Je sais pas, il y a des moments avec du violon qui m'ont fait un peu penser à ça quoi. Moi aussi ça me fait penser à musique tzigane. Bon alors là, il y a un débat musique tzigane. Si vous avez votre mot à dire, n'hésitez pas de poster un post sur Facebook ou Twitter. Alors, le film s'ouvre sur... Ça me permet de faire de la pub pour nos réseaux sociaux, tu comprends ? Le film s'ouvre sur l'assassinat de Dominique Farrugia. C'est la première cible. Et alors là, on comprend tout de suite que Léon, il doit simplement... Son seul but, c'est que ce mec-là appelle un parrain local ou je sais pas quoi, et il va tuer l'intégralité de ses gardes du corps dans un immeuble. Il va faire 60 victimes pour rien. Je veux dire, les mecs n'ont rien demandé. Bah, total des victimes 34 pour ce film. Parce qu'il y a des gens qui comptent et qui mettent sur Internet. Alors moi, quand je fais mon travail, il y a vraiment des gens formidables sur Internet. Et combien de blessés? Parce que t'as compté les blessés aussi. Non, pas de blessés. Mais c'est vrai qu'il désingue vraiment strictement tout le monde pour arriver au boss, au big boss, et juste lui mettre un petit couteau et genre. Un petit coup de pression. Bon bah alors t'arrêtes. Et le mec il dit bah oui j'arrête. Et puis voilà quoi. Il y a 35 mecs qui sont morts pour ça. Quoi. Il était payé pour ça. Là, il y a pas mal de plans d'action, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, il y a l'ascenseur qui monte, donc on pense qu'il est devant, on pense que la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, il est dedans. Du coup, les quatre mecs se mettent en face de la porte, et dès que la porte s'ouvre, ils tirent comme des débiles. Et ensuite, la porte s'ouvre, et ah, c'était un de leurs collègues qui avait eu le temps de pendre dans l'ascenseur. Il y a une super scène dans les escaliers aussi. Petite anecdote, ces escaliers sont situés à la Cité du Cinéma, dans l'ancienne usine EDF, qui a été reconstruite sur des, enfin, du coup, maintenant, il y a des studios à la place, et voilà, c'est une belle histoire. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont tourné cette séquence-là à Paris. Oui, voilà, à Saint-Denis. À l'époque, c'était abandonné et ils ont tourné toute la séquence dans cette usine abandonnée qui aujourd'hui sont les studios. C'est ce qui fait tout le charme de ce film. On comprend aussi que c'est complètement le tueur de l'impossible. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est absolument impossible. Il tue tout le monde. Mais là, c'est encore soft parce que à la fin du film. Bon. Mais tiens, d'ailleurs, Antoine, toi qui as vu, parce que t'as oublié de préciser que t'avais vu la version longue de 14h30. Ah oui, moi j'ai vu la version de 2h30. J'étais vraiment très agacé devant cette version. Pour une fois que c'est pas moi qui me suis fait avoir, je suis très contente. Moi, j'ai failli me faire avoir et j'ai fait Et en fait, j'ai bugué comme tout, et j'étais sur deux trucs différents. J'ai dit, mais c'est pas possible, et du coup, je me suis pas fait eu. Comment ça, deux trucs différents. C'est-à-dire que tu faisais autre chose en regardant le film que tu devais regarder pour 2 heures de perdu. Sur deux films. Deux plateformes. Ah, t'as regardé les deux films en même temps. Là, j'ai regardé Léon. J'ai mis les deux DVD dans mon lecteur. J'ai regardé Léon et Taxi Driver en même temps. De toute façon, c'était le même film. Du coup, ça m'a pas dérangé. Moi, j'ai préféré la musique de Taxi Driver quand même. Le jazz, moi, j'aime ça, le jazz. En fait, tu mets Taxi Driver avec de la musique égyptienne et puis ça fait la Léon. Ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Ensuite, on arrive directement sur la session Malheur Émotion 2000 avec la fille battue, enfin la fille dans sa famille de. Ce qu'il faut dire, c'est que il tue tout le monde et il rentre chez lui en métro. D'ailleurs, de Saint-Denis, ça doit être assez long. Hein, parce qu'il part de Saint-Denis, va à New York en métro. Mais il rentre quand même en métro. Avec toutes ces grenades. Hein. Toutes les scènes d'appartement ont été tournées à Paris et toutes les scènes extérieures ont été tournées à New York. Ils ont ciselé le tournage. Ils ont fait 76 allers-retours en fait. Ouais, c'est ça, à chaque fois. Bon, je pense que c'est pour des raisons financières. Ouais, bien, donc, ouais, la location est tellement chère. Juste avant l'apparition de Natalie Portman, tu te rends compte que Léon, c'est un maxi hipster. C'est vrai. Mais quand même bien bête. Tu vas me dire, ok. Alors, en fait, il faut savoir, Barbara, il faut savoir qu'un hipster des années 90, c'est un ringard en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il pourrait bosser dans la com. Hein. Il a tous les attributs du hipster parisien d'aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est juste après cette première scène qu'il va se mater un petit film ou pas? Non, c'est après. Alors là, je reviens sur la famille. Donc, on introduit le personnage de Natalie Portman, la pauvre petite fille dans. Alors déjà, j'aimerais qu'on m'explique comment elle peut avoir un père portoricain et être Natalie Portman. À aucun moment, les mecs, ils se sont dit. Bon, ça va être bizarre à expliquer ça. Et vraiment, c'est la famille de cas social niveau 200. Oh, mal au crâne. Elle saute toujours mon tour. Oh non, tout ça pour regarder ses dessins animés à la con. Elle peut me bouger son cul, ça ne veut pas de mal. C'est pas moi qui ai des grosses fesses dans cette maison. Donc, au lieu de te prélasser toute la journée devant la télé, tu pourrais peut-être bouger tes petites fesses et aller faire les courses. 1, 2, 3, 4, oui. Encore une fois. Tu ce que t'as dit. Non, je crois que j'ai fait une connerie. Ça fait une de plus. Je veux dire, t'en fais souvent, mais en général, tu t'en sors plutôt bien, non? Ouais. Cette fois, j'ai été un peu trop loin. Oui, ben là aussi, tu vas trop loin. Je vais être en retard pour bosser. Mais si tu bossais ici aujourd'hui, hein? Putain. C'est cuit comme ça. C'est tout bon. Non, c'est bon. Qui t'a dit d'entrer? Ferme cette porte, merde! Non. 3615, misère sociale. C'est pas la voix de Bénichou? Si. Putain, c'est vrai, lui. Ouais. Mais c'est lui, mais je crois que c'est lui, hein. Ah ouais? Moi, je suis censé avoir vérifié parce que je suis censé être. À la base, c'est un grand acteur de doublage. Hein. Non, mais je sais pas, il me semblait que c'était lui, mais peut-être je me trompe. Non, mais c'est vrai, on dirait. Ouais, non, c'est vrai, c'est sans doute lui, ouais. Mais c'est lui qui fait Danny DeVito aussi, alors. Ensuite, on a Gary Oldman qui arrive. Oui, alors mais déjà il faut préciser qu'il arrive avant cet extra-là, vu qu'il va tâter un peu le truc. Il dit où c'est qu'il est ma dope, où c'est qu'il est ma dope. Parce que l'autre, apparemment, il a pris un 10%. Kilo de dope, il a pris 10% de ma dope. Ouais. Exactement, 10%. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, Natalie Portman, elle est introduite parce qu'elle fume des clopes dans la cage d'escalier pour pas se faire repérer par ses parents, ce qui est probablement le lieu le plus discret, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est en face de la porte. Voilà. Histoire que tous les voisins viennent retrouver son père après pour lui dire il y a la gamine qui fume dans l'escalier, dans les parties communes. Elle met encore les mégots dans les parties communes. C'est juste la voix de Jean-Ben Guigui, hein, je vous le dis, pour pas qu'on ait des commentaires ou que ce soit. Ah oui. Excusez-moi. Hein. Putain, on a confondu Bénichou et Jean-Ben Guigui. Zut. Non, mais en même temps, je pensais à Ben Guigui. Parce que Bénichou, il n'y a aucune raison qu'il fasse ça. Et pour la musique égyptienne, tu pensais à la musique tigane aussi, ouais. Donc, du coup, c'est Michael Badalucho qui s'appelle l'acteur américain. Ah bah, je note, hein, parce que après, voilà. Il a fait une grande carrière. Il a fait une grande carrière. Attends. Badalucho. Oui, alors, Gary Oldman, Maboule plus plus, lui il écoute du Beethoven. Maboule qui crie, hein, tout le temps. Alors, franchement, le casting génial, je trouve que Gary Oldman est génial dans ce film et l'écriture de son personnage, elle est extraordinaire. Je trouve incroyable le truc un peu mystique, tu vois, il a un côté c'est normal, c'est lui qui l'a écrit. Totalement un peu fou et beaucoup, enfin, tu vois, c'est là encore, je trouve que c'est vraiment du gâchis d'avoir mis un film de merde autour de lui. Je veux dire pourquoi tu as cet effet-là, c'est qu'en fait, toutes les scènes genre Beethoven et tout ça, c'est Gary Oldman qui les a improvisés sur le plateau en fait. Et il y a pas une seule version. Enfin, ils ont fait plusieurs prises, par exemple pour cette scène où il arrive en parlant de Beethoven et tout ça. Et en fait, il en a fait plein de différentes. Mais tout ça, ça vient du cerveau de Gary Oldman. C'était pas dans le scénario. Après, je trouve ça un peu trop. Pour le coup, j'ai trouvé ça un peu tout. Tu vois, t'as un film de merde et t'as un perso comme ça qui a un. Même parce qu'il y a un film de merde autour. Ouais, mais bon, justement, ça fait trop quoi. De toute façon, Gary Oldman, c'est vraiment un acteur qui s'immerge complètement dans ses personnages. Et c'était la même chose sur Air Force One. Enfin, c'était le rousse. On a fait aucun autre film avec lui. Je crois pas. Enfin, moi, j'ai que Air Force One. T'es dans Willow aussi, non? A priori, ça peut l'air de la peine. Ensuite, on a le droit à un premier montage. Alors là, celui-là, c'est le montage Vie ordinaire de Léon, pauvre petit bonhomme. Alors moi, musique, douche, lait, repassage, plante, dodo assis. Voilà, dans le c'est Elephant Man, en fait. Dodo assis. C'est-à-dire que je veux bien admettre que t'es pauvre et que t'as pas de thunes, sachant que t'as quand même plein de thunes, mais tu peux au moins t'acheter un putain de lit. Le mec. Il en a un de lit en plus. Il en a Ce qui fait dormir Nathalie Portman. Il est un peu triste aussi, son lit. Sa maison là. Ah bah j'ai pas dit que c'était un super lit, c'est pas du Darlo Pilio ça. c'est pas du Château d'Ax. C'est pas du Château d'Ax qui peut se payer. Hein. Pourtant c'est net d'impôt hein, ce qu'il fait. Ouais, moi là où ça m'a un peu fait chier, c'est tu vois comme Gary Oldman qui exagère son perso à mort, c'est quand Jean Reno il va à la salle de ciné et pour montrer qu'il est un peu simplette, il regarde le ciné et puis il fait un sourire à la couille. C'est trop bien. Il tourne la tête à droite à gauche genre. Moi aussi, quand je regarde Beaufix sur New York avec John Kelly qui fait du patin à roulette, ben je souris. Hein, ouais, mais comme toi, t'es battueuse en série, quoi, tu vois. C'est vrai. Tu bois du lait, enfin, tu sais pas. Hein. Par contre, je bois beaucoup de lait avec des cookies. Ça, c'est pareil. Ça, j'ai trouvé ça quand même un peu trop bon trop sentiment, cul, genre évasion par le cinéma, Gene Kelly, machin. Il est à bon fond. Bon fond, le mec, il cartonne à son Mais non, mais ça te montre qu'il est un peu perdu, quoi. Il faudrait qu'il se retrouve. Hein, bah, je pense qu'un mec qui nettoie des plantes est perdu, en effet. Parce qu'il il les arrose pas, il les nettoie, en fait, vous avez remarqué. Oui, mais en même il passe temps, une lingette sur les plantes. C'est comme ça. Bah, attends, sa chérie. Peux faire, hein. Il le dit, hein, bah, c'est sa meilleure amie, sa plante. C'est bien de dépoussiérer les feuilles. On avance un peu, on va parler de l'élément déclencheur, la tuerie. Va, alors, Gary Oldman arrive, il se prend une méga drogue. Alors, celle-là, j'en ai jamais vu des comme ça. Ça, c'est vraiment des capsules jaune verte. C'est ça, c'est du Mais c'est du 500 celui-là. Je comprends, c'est un équerre le mec. Celui-là, à mon avis, c'est du 750. Et les enfants, si vous croisez ça dans l'appartement, n'hésitez pas à en prendre deux ou trois. Mais d'ailleurs, Gary Oldman, il a un peu la même technique que Léon. C'est-à-dire que lui, son but, c'est quand même de retrouver sa dope. Mais plutôt que d'essayer de retrouver sa dope et de mettre un petit coup de pression au gars, il va d'abord dézinguer tout le monde. Et après ça, il va chercher la dope. Moi, je m'inquiète un petit peu pour Gary Oldman qui se fait un peu craquer. Moi, je lui prescrirais des séances de kiné. Hein. Ouais. Il a les cervicales fragiles. C'est encore, ça, franchement, super cool. Hein. En vrai, ce truc-là, des os, à mort et tout. Par contre, si, petit conseil hein, entre nous, si vous faites agresser par un Dre 2, sortez vos vinyles de reggae. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Rastafari. Là. Big up à tous les massifs. C'est un vrai massif. Yes, I. Ça m'étonne qu'il ait pas calé un yes, I. Hein. Un petit message de paix dans le film. Il a l'air totalement stone. Et mais genre dans la brigade de Gary Oldman. Alors lui, en fait, j'ai l'impression que chacun représente une drogue. C'est vrai. Gary Oldman, il est sous acide +++. Les autres, ils sont complètement défoncés. Et à lui, ce serait quoi alors? Bah, je sais pas. Parmi les drogues, je pense que c'est le vin. C'est clairement le vin. Dans les campagnes, le vin rouge fait des ravages. Les gens ne se lavent plus les cheveux. Et alors là, big up à tous les massifs, il va complètement craquer, il va tirer dans tous les murs et il va tuer l'enfant de 4 ans caché sous le lit. Ouais, c'est lui qui le bute. Ouais, c'est lui. D'ailleurs, on salue hein, la pudeur du réalisateur qui nous a pas fait assister à cette scène de crime. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Ouais. Mais par contre, se faire descendre par un écolo, c'est encore pire. Alors là, c'est pareil, tu vois, non seulement il dézingue tout le monde avant de parler, mais c'est-à-dire qu'il a pas non plus trop peur de dézinguer en pleine ville, quoi, tu vois, en plein milieu de New York. Ouais. Bam, là, c'est vraiment gros carnage, il y a environ 800 balles. Il y a environ 800 balles qui sont tirées partout, il défonce tout. C'est tranquille, hein, d'être à la brigade des stupes de New York, hein. Ça a l'air sympa, on te demande pas trop de compte, non. Tu sais qu'il y a, pour le gag, alors ça, c'est un gag très bessonien, tu sais, la petite vieille qui sort et qui fait, ah, vous arrêtez de faire du bruit, et il va lui tirer dessus, tu vois. Genre, ouais, ça, c'est pareil, c'est cool. Ah, bah, je rentre chez moi. Ah, bah, donc déjà, et surtout. Bah là, à mon avis, il y a peut-être des trafics qui vont venir. Bah, surtout, tu vois dans la séquence que tu nous as d'ailleurs fait entendre, Antoine, qu'ils foutent le bordel, quoi. Ils écoutent des trucs pourris toute la journée, ils arrêtent pas de s'engueuler, donc la voisine, elle a plutôt intérêt à ce qu'ils se fassent défoncer. Au moins, c'est tranquille. C'est clair. Elle vient les défendre. Genre, d'habitude, la vieille, elle est contente avec les voisins qui font n'importe quoi et elle les protège, en fait. Mais les non, mais c'est une famille en or. C'est des gens comme ça, ils sont super. Alors, le padre, le père de famille, il se fait tuer en sortant de l'appartement, donc son cadavre est au pas de la porte dans le couloir. Ouais. Et en fait, Nathalie Portman, elle n'était pas là, donc elle n'est pas morte dans la tuerie, et elle revient avec un sac de courses. Et en fait, elle passe devant chez elle, et les flics, évidemment, méga discrets, la porte est grande ouverte, il y a un cadavre par terre, et la petite fille, elle passe devant, et eux, ils se disent, oh, bah, elle doit pas habiter là, puisqu'elle a pas eu le réflexe de rentrer et marcher par-dessus le cadavre de son père pour aller déposer les courses. Elle a continué tout droit, elle doit pas appartenir à cette famille. Non, mais un mec ferme la porte. C'est complètement con. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on sait pas vraiment encore que c'est des flics. Ah, bah non, on sait pas. Hein. Oui, on sait pas vraiment, ouais. Et tu te dis, et tu dis que c'est encore pire. T'as le doute, quoi. Ils disent c'est la brigade des stupes, madame, rentrez chez vous. Si, ils le disent. Ah ouais, mais ça aurait pu être une couverture. Il a l'air tellement déglingo que tu crois pas. Il faut savoir qu'on enregistre à 2h30 du matin. La émotion 2000, elle va être devant la porte de Luc Besson en pleurant, en disant s'il te plaît, Luc. Oui, pardon, genre, de Robert De Niro. Fais-moi faire un putain de film. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, le truc dans l'œil de bœuf et tout, tu la vois chialer, ça c'est un peu émouvant. Ouais, c'est trop bien, elle vient trop bien. Et là, elle va rencontrer Léon, qui va l'héberger, hésiter à la tuer, puis héberger, puis priver. Alors ça, j'ai pas compris d'ailleurs. On raconte pourquoi est-ce qu'il hésite pas, à un moment à la tuer, quoi. Parce que lui, il peut pas gérer ses bails là, de toute façon. Déjà, il est bien dans ses bails. Il peut pas gérer un enfant, c'est pas possible. Il peut pas gérer un enfant. Non, après, ça monte dans les tours très rapidement. Il a déjà une plante. Oui, c'est vrai. C'est déjà la galère à garder, ouais. Tu m'étonnes. Surtout, ça le met en danger lui-même pour son job. C'est que ça le rend vulnérable. Ça le rend vulnérable. Bah oui, non, mais ça l'humanise. Non, mais même il, il aurait quelque chose à perdre. Donc là, elle veut bosser pour lui, lui il veut pas, lui il sait pas lire, elle tire par la fenêtre et du coup elle bosse pour lui. D'ailleurs, j'ai noté, ça se trouve, elle a déjà buté 3 personnes, elle le sait pas. Parce que, oui, c'est ça, parce qu'elle tire au hasard par la fenêtre, effectivement. S'ensuit. Alors ensuite, il décide de partir à l'hôtel, puisque rester là c'est un peu trop risqué. Mais parce qu'elle a tiré par la fenêtre, c'est pour ça qu'elle bat. Oui, c'est vrai que tirer une fois par la fenêtre après une fusillade, franchement, c'est vraiment. C'est très risqué ce qu'elle a fait. Et ensuite, il va y avoir la petite leçon de fusil. Tiens, voilà. Vérifie qu'il ne manque rien. Je te fais confiance. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. N'oublie jamais ça, Léon. D'accord. Fusil à lunettes, c'est la première arme qu'on doit apprendre à utiliser. Parce que c'est la seule qui permet de rester suffisamment loin du client. Plus tu auras l'expérience du boulot, plus tu te rapprocheras du client. Le couteau, par exemple, c'est ce qu'on apprend toujours en dernier. Ok ? Ok. Ils sont en Égypte. Pas au balcon, hein. C'est vrai que je fermais les yeux, j'étais en Égypte. Ou à Saint-Denis. Non, c'est vrai, je suis d'accord. En fait, c'est l'Égypte. Je retire ce que j'ai dit sur la musique cigane. C'est totalement. Alors, petite remarque ethnique encore. C'est ce qui m'a fait. J'en ai pas parlé, c'était tout au début, mais en fait, il est d'origine italienne, Robert De Niro. Jean Reno. Il est d'origine italienne, et en fait, au début, il y a son pote italien pour faire comprendre qu'ils sont italiens qui fait. comme Estaille. Il lui fait Béné. Et après, je sais pas comment était la VO, mais la VF, c'était juste ridicule. C'est pareil. On aurait dit Brad Pitt dans Glorious Bastards. Ouais, ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu abusé, tu sais, le petit resto ouais. italien avec les nappes rouges et genre, bah, forcément, c'est un mafieux à l'intérieur, quoi, ouais. tu vois. Ouais. D'ailleurs, on peut faire un mini point mafieux, c'est-à-dire que les mafieux, dans ces films-là, ne parlent qu'en menace et en mystère. Ouais. Tu sais, il lui dit jamais, ouais, franchement, la gamine, à mon avis, c'est des bails chelous. Il fait, méfie-toi des décisions que tu prends. Il est tout le temps dans des trucs, putain, il menace. Ouais, mais ils sont dans une relation vraiment intellectuelle avec des devinettes tout le temps, tous les deux, parce que Léon, il est friand de devinettes. Parce qu'il a l'air bien malin, ouais. Il est simple, mais il est pas débile, quoi. Parce qu'au final, il est un peu lent. Est-ce que t'as un argument? Est-ce que t'as vu la scène où il est au cinéma, quand même? Parce qu'un mec ouvre la bouche en regardant Gene Kelly, il a un pépin. Est-ce qu'on serait pas déjà là au montage complicité là? Alors, juste avant. N'empêche, ce petit cours de fusil à lunettes là, bah c'est quand même. Moi j'ai trouvé ça vachement intelligent. Oui. En plus, on apprend que le couteau, c'est ce qu'on apprend dernier. Ce qui est faux, c'est l'oreiller, parce qu'on étouffe avec les oreillers en dernier. Moi j'ai trouvé la logique vachement bonne. Ça c'est ouais. Il y a des super trucs dans ce film. Il y en a plein qui sont pas super. Le recul d'une arme à feu donc sur une enfant de 12 ans, à mon avis, ça lui casse l'épaule instantanément. Ouais, donc à mon avis, elle tue un mec et ensuite après elle a 9 ans de rééducation. Il y a la scène. Putain, dites-moi que je suis pas le seul à avoir vu la scène des déguisements là. En la regardant, je me suis dit putain, j'espère qu'il se la tape aussi cette putain de scène. Mais peut-être qu'elle est moins longue chez nous parce que. Non, elle est bien longue. Elle est longue. Avec la musique en accordéon qui reprend les thèmes des déguisements et tout. Et cette espèce de fausse. Alors il faut savoir que c'est nul. Ah mais nul. Il faut savoir. Je comprends sa douleur parce que dans la version longue, ils font le jeu des déguisements. Après, ils font un puissance 4 à décider c'est gagner un Uno. De un mille bornes et un docteur Maboule. Est-ce qu'il a des lunettes? C'est Martin. Déguisement accordéon, cette scène est insupportable. Ouais. En fait, ça met un peu de joie de vivre dans ce film, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est bien ça le problème, quoi. Ouais, mais il en avait pas besoin, hein, franchement. Moi, ce qui m'a surpris, c'est. Oui, parce que à la fin, il lui dit merci. D'avoir apporté un peu de joie dans sa vie. Bah, et c'était par. Surtout qu'il se prête au jeu aussi, c'est ça qui est rigolo, et que la seule personne qui l'imite, c'est John Wayne, quoi. Moi, je trouve ça. Moi, ce qui m'a surpris. C'est sympa comme argument. On retiendra l'argument de Greg qui a été vraiment autoritaire. Ce qui me surprend dans cette scène, c'est surtout la diversité de la garde-robe de Jean Reno. Parce qu'en fait, il a des robes, finalement, là-bas. C'est l'enfant. Ça, j'avoue, je l'avais noté pas. Un mec qui a des robes d'enfant et qui va voir Jane Kelly en ouvrant la bouche, je peux dire qu'il est chelou. Moi, dans la version que j'ai, il y a des robes Disney et tout. Je sais pas non plus. C'est entre moi et Michael, ça suffit. Donc cette scène évidemment, Greg l'a souligné, très intelligent. Il y a une scène censurée où il en porte chartel. Celle avec la boule de cuir dans la bouche. Bon, les gars, on revient. On enchaîne, on revient. Petit montage complicité, évidemment, souligné par Greg, très judicieux. Et ensuite, c'est le retour sur la scène de crime, la scène la plus impossible de tout ce film. Donc, Nathalie Portman retourne dans l'appartement pour, on ne sait même pas pourquoi, s'y récupérer du pognon qu'il avait caché sous une latte de parquet. Ouais. Oui. Et c'est à ce moment-là, on est. Et le loulou de son petit frère. Et c'est à ce moment-là où on est sûr que Gary Oldman, il est policier. Je crois qu'elle va chercher un tire-bouchon aussi. Que Léon, il n'y en a pas. Si jamais tu retournes chez tes parents, tu pourras regarder s'ils n'ont pas des casseroles plus grandes que celle-ci. Parce que la mienne, elle s'est oxydée. Bon, on enchaîne là, mais enchaînez-vous. Enchaîner avec quoi? Avec les poils aussi, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et les poils, j'ai les poils aussi. Alors, donc là, elle est dans l'appartement. Et là, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Gary Oldman, il est dans l'appart. Donc elle, là, elle le voit, elle fait putain, c'est lui, c'est le tueur de mes parents. Et là, Gary Oldman, il descend dans la rue, il redescend dans New York et pour prendre sa bagnole et partir. Ouais. Et là, elle le prend en filature. Prend un ballon de basket. Mmh. Ah oui, elle, fait, elle suit ça, avec le taco. Alors, il y a un cut, il y a un cut qui est incroyable, c'est-à-dire que Gary Oldman part de l'appartement avant elle. Et quand Gary Oldman sort de la porte de l'immeuble, elle est dans la rue, incognito, à faire ah, il est là. Comment elle a fait là? Moi, je sais pas. À moins qu'elle ait un petit parachute et qu'elle a pu sauter. Je sais pas comment elle a pu descendre. Bah, elle connaît l'immeuble, elle, oui. Elle connaît l'escalier de service. Probablement. Oui, bon. Bon. Alors que lui a pris l'ascenseur. Alors, filature en taxi. Et où elle casse complètement le chauffeur de taxi qui s'étonne, bah, normal, de voir une gamine de 12 ans rentrer et dire suivez cette voiture. Et il lui fait bah oui, mais bon, tu veux pas que je grille tous les feux. Mais non, non, vous allez conduire très, très patiemment et très poliment. Et prendre d'ailleurs, votre ça c'était. Moi, je, enfin, après, on va dire que je râle, mais j'ai trouvé ça nul. Non, non, non, mais ça c'est une remarque, Greg, très importante. Et n'hésite pas à nous en faire part si tu trouves qu'il y a trop de trucs nuls dans ce film. Il faut non, mais tu sais, c'est genre le clin d'œil. Non, mais on va faire un clin d'œil au cinéma, genre suivez cette machin, mais en fait non, mais conduire. Non, mais ça c'est vraiment de l'humour de merde dans un film. Voilà, on est d'accord. En fait, d'ailleurs, limite, c'est dans un cinquième élément, ça peut passer, mais là, c'est pas la peine de faire ça, quoi. Mais c'est pas De Niro qui joue le conducteur de taxi, non ? Non, c'est Whoopi Goldberg. Non, c'est Arrasta aussi. C'est ça. Arrasta dans ce film. Et alors là, ça tombe. Comme un coup près. Le film, dans le film, ce le truc-là, je le voyais pas venir, je m'en souvenais même plus, je le voyais pas venir, alors que dans la version longue, en plus, on s'en coltine, elle est amoureuse de lui. Oui. Ah putain, bah on l'avait pas vu venir celle-là. Ah, d'ailleurs, il y a quand même un moment où elle dit vraiment un truc chelou. En fait, il arrose ses plantes et elle regarde les mots, elle fait « C'est moi que tu devrais arroser. » Vous l'avez vu ça ? Oui. Ah, non, elle, j'ai pas vu ça. Elle dit ça en VF. Elle lui dit ça. Et après, il lui pchit de l'eau dessus. Du désherbant. Ah, mais là, il y a pas désherbant. Ouais, et ça ils l'ont refait parce que dans la première version, il mettait pas un petit coup d'eau dessus. Mais les gens, évidemment. les gens qui ont vu la version à l'église, ils ont dit non, ça va trop loin. Oh, il y a eu un très, très mauvais accueil de l'église. Là, il y a la scène, alors attention maximale, la scène de la roulette russe. Ouais, ah, bah, ouais, ça, c'est dans la version longue. Voilà, ça doit être la version longue parce que je l'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas? J'ai pas vu. Non. Oh, vous l'avez pas cette scène? Alors raconte-nous alors. Eh ben ils sont au Vietnam, elle a pas de elle fait Tidimao. Non, je confonds avec un autre film. Non, il y a vraiment une scène de la roulette russe où elle lui fait écoute, de toute façon, c'est simple, si je me casse de chez toi, je vais mourir. Donc autant que je le fasse maintenant. Elle se met un flingue sur la tempe et elle fait voilà, je vais tirer et si jamais je gagne, je reste avec toi. Et si jamais je perds, bah de toute façon, voilà, t'auras plus besoin de voir sur les bras. Puis elle lui donne pas le fric qu'elle a récupéré pour tuer les mecs. On n'a pas précisé tous les détails. Ah, il a aussi racheté un vêtement et un bonnet. Et du coup, il la laisse faire. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il lui fait. J'ai entendu qu'il y a une balle, parce que lui, il est tellement pro qu'en fait, quand elle fait tourner le barillet, clac, il lui fait, je sais qu'il y a une balle, donc tu vas forcément mourir. Elle fait bah. Dans ce cas-là, j'ai perdu et paf, il lui retire le flingue au dernier moment et ça tire dans le mur. Ah, je suis déçu de pas l'avoir vu cette scène. Elle dure bien 15 minutes en plus. Avec de la musique d'Eric Serra. Égyptienne. Et donc après, c'est le et premier vous avez contrat. Vu tu l'as vu la scène coupée aussi où elle lui apprend à lire pendant 27 minutes. Oui, ils font les voyelles. Oui, moi, ça m'a permis aussi de revoir les bases, donc j'étais content. Premier contrat, montage porte-sonnette. Il y a que moi qui l'ai vu celui-là encore. Non, ah, mais... Montage porte-sonnette, ça me dit rien. Non, mais vous l'avez pas vu ça ? Non. Ah, mais en fait, elle. Premier contrat de la petite ? Il sonne chez un mec, donc elle parle devant la porte en disant oui, je viens pour faire un machin, pour que juste lui, il entrouvre la porte. Et lui, il arrive avec une pince et clac, il pète la chaîne de métal. Ah, non, pas vu, mais je crois que je l'avais vu la première fois. Coup, ça permet de rentrer dans l'appart et tuer le mec. Et là, il y a un montage où ça va faire un truc un peu à la Requiem for a Dream, là, tu vois, clac, clac, des portes qui s'ouvrent, des chaînes, bim. Ouais, oui, genre, sous-entendu, ils ont tué, mais genre, au moins 40 personnes. Ils ont fait 15 000 contrats, quoi. Ouais, 15 000 contrats. Mais c'est vrai que dans la version courte, ils font zéro contrat, quoi. Là, dans la version longue, ils en font vraiment 30 000. Et à la fin, ils disent, ouais, ça fait que 3 semaines que tu connais la gamine. Je fais, putain, mais ils en font 8 par jour, quoi, tu vois. Bah, il a un sacré cahier de commande, hein. Ah, bah là, pour le réserver, lui, c'est tintin, hein. C'est au moins 3 mois d'attente. C'est au moins jusqu'en février, là. Hein. Ouais, d'autant plus qu'il se fait quand même 40. Il aurait pu se faire 40 100% par le mafia, quoi, tu vois. Alors, il est tellement con qu'il voit rien, quoi. Bah, Tony, déjà, qui a un client. Oui, il a l'air honnête. Il a un client qui a plus de 96 ans, qui est toujours dans son restaurant. Il est plus honnête qu'une banque. Ouais, c'est vrai que les banques, ça se fait tout le temps braquer. Le vieil argument, tu sais. C'est... Ça, non, mais donne-moi tes sous. On continue le débat banque. Vous êtes chez qui, vous? Non, il y a un mec qui est toujours dans le resto de Tony, en fait, qui est hyper vieux. Mais il est mort, en fait, le gars. Voilà. À l'école de tournage. S'il commence à sentir, c'est qu'il est mort. Ouais. Ensuite, vient la scène, on arrive vers la fin. Nathalie Portman décide d'aller toute seule chez les flics. Ouais, elle n'hésite pas du tout à aller seule chez les flics. Bah, en fait, elle décide d'aller se venger, ouais. Ouais. Avec des flingues, et du coup. Alors, comment elle fait? Elle s'est fait passer pour une livreuse de 12 ans, quand même. Une livreuse de fruits. Là où c'est cohérent, c'est qu'elle livre du chinois, et on sait que les enfants en Chine travaillent bien. C'est pareil. Bah, la spécialité des Chinois, c'est faire travailler les enfants à 12 ans et faire du surf. Ouais, du coup, elle se retrouve, mine de rien, elle réussit à s'incruster, elle se retrouve dans les chats, je vous passe les détails, avec face à face avec Gary Oldman, qui il comprend la crame, un petit peu, qui il se prend un petit une petite pilule. Ouais, il se reprend une petite pilule pour être bien chaud. Et il hésite quand même à la buter complètement, mais directement, tu vois, dans le commissariat. C'est ça la question que je me suis posée, c'est là, il va tuer une gamine dans un comico. Oui, mais c'est complètement débile. Impossible, quoi. Après, comment il le prouve, quoi? Je la sentais pas. Déjà qu'il a eu Les bœufs carottes, ils sont sur son nez, hein. Ah, Jean Rochefort était pas loin, tu sais. Et alors là. À chaque fois, à noter qu'à chaque fois qu'il prend sa pilule, il se fait craquer les vertèbres. Donc c'est sûrement un anti-inflammatoire. Avoir des douleurs aux vertèbres. Alors, je suis médecin, c'est effectivement un anti-inflammatoire. Et alors là, il manque de tuer la petite, mais il y a Rastafari, paix sur la terre, qui déboule. Très bien. C'est très bien. Parce que, tu sais, je ne ressens aucun plaisir à tuer quelqu'un. Sauf si cette personne tient vraiment à la vie. Stan, putain, je t'ai cherché là-haut. Quoi, merde? Je suis occupé. Elle est défoncée. C'est Malky, il s'est fait descendre. Ils ont un deal avec les Chinois. Mais c'est pas eux, ils y sont pour rien. Bon, on entend bien que Massive, il a bien fumé, hein, avant de venir le voir. Putain, Stan s'est fait descendre. Bon, je me roule encore un bon joint et ensuite je vais le prévenir. Je finis l'album de Tikkun Jafakoli là. C'est dit, le Massive, il a réussi à se faire embaucher, genre sous couverture. Genre, vas-y, j'ai des rastas, je vais bien passer dans les stupes. Mais en fait, bon, il s'en met autant qu'un vrai rasta, quoi, dans la tronche, quoi. Et là, donc, elle est dans la merde. Et là, Léon, il arrive, il désingue, mais tout le monde. Dans le comico. Alors là, ça, c'est chez les Condés, le mec, il fait carton, quoi. Et puis il s'en va tranquillou. Et il y a même une ellipse, c'est-à-dire qu'on le voit pas sortir, on sait pas comment il fait. On dit on va pas s'emmerder. Ouais, il est dans le tacos. On va pas s'emmerder directement, tu sais, à le faire sortir du commissariat, parce que bon, c'est vrai que c'est bourré de flics et puis c'est pas si simple. On va le mettre directement dans le taxi, quoi, tu vois. Mais tu voudrais dire le Julie là-dessus? Bah, il s'est fait féliciter par Terminator quand il bouffe plus de mal dans son commissariat. Et par Rambo aussi, qui a vachement galéré, Rambo. Et ensuite, alors il y a la scène, putain, là encore, j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vue. La scène finale? Non, non, on l'a aussi. Il y a un godbout dans le taxi, générique de fin. Il y a un truc, alors là vraiment ça va loin dans la sexualité, l'amour et tout, quoi. Avec l'accordéon qui joue des trucs romantiques parisiens et tout. On n'a pas ça. Vous n'avez pas eu ça? C'est pour ça que c'était vraiment le truc, putain, le film dans le film. Et je trouve que la thématique elle est intéressante, mais pourquoi c'était trop chiant? Putain, je suis trop deg, je suis trop jaloux, vous ne l'ayez pas vu, quoi. Putain, chien. Et ensuite, l'attaque finale. Alors, l'attaque finale, c'est, Moi, j'ai deux petites anecdotes à vous dire sur l'attaque finale. Alors, la première, c'est que, donc, il y avait plein de flics de figurants en flics. Et il y a un mec qui a vraiment volé un magasin en face et qui allait se rendre aux figurants pendant le tournage. Il y a un mec qui était pas du tout dans le tournage ou quoi que ce soit, qui était à New York, qui a volé un magasin et qui a vu tous les flics. Mais qui étaient des figurants, il savait pas qu'il y avait un tournage. Ouais. Il est allé se rendre aux flics, en fait. D'accord. Enfin, du coup, aux acteurs. Voilà, donc ça, c'était la première petite Les acteurs, ils ont fait quoi? Ils l'ont coffré ou pas? Ah, mais moi, je l'ai vu, ça, c'est dans la version. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il y a un acteur qui joue un agent du SWAT qui fait son premier film avec Besson ici, et Besson va être tellement impressionné de cet acteur qu'il va lui écrire un film après. Est-ce Taxi. Ouais. Non. C'est Sami Nasser. Qui est là-dedans? Ouais. Il fait un agent du SWAT, et en fait, Luc Besson a été tellement conquis par cette personne, par son travail et son sérieux, que du coup, ils ont décidé de bosser sur Taxi. Ils ont pris de la dope ensemble, ou je sais pas, ils sont fait. Ouais, mais c'est sûr, non, mais c'est sûr, ils ont envoyé de la fournisseur de coke officielle, quoi. Non, mais c'est sûr, ouais. Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas, franchement, je l'ai pas remarqué, mais c'est sûr qu'il joue de la dope. Il devait tous les deux avoir les yeux tout rouges et tout, genre, oh, je vais te faire bosser sur un film, man. Il joue un agent du SWAT. Sachant que le dernier gars qui l'avait aidé pour faire du cinéma, c'était le Rasta, quoi. Normalement, il devait faire un film de snowboard avec le Rasta, mais il a eu un accident. Oh yes, Massive, je vais t'écrire un film. T'aimes bien les taxis? Je voulais en mettre dans celui-là, mais on m'a conseillé de pas le faire. Ça plagiait déjà trop. Je vais t'en faire un juste pour te le faire après. J'espère pas sur les taxis. Je suis sûr qu'il faut en faire un. Il reste quelques trucs de Taxi Driver que j'ai pas emprunté. Je mets pas tout dans le même film, hein. Je sais pas. Et du coup, Sami Nasser, il était au States? Non, c'était tourné à Saint-Denis, ça lui. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Ouais, que... Je pense qu'il devait être à Paris. Hein. Donc là, il tue 200 keufs innocents. Ah, je vois sur la séquence, il y a la Tour Eiffel derrière. Il y a des touristes chinois, mais ça, il y en a partout. Il tue 200 keufs innocents du raid. Ouais. Moi qui ai vu pas mal d'enquêtes exclusives sur le raid, ça m'a vraiment touché. Alors le raid, quand ils arrivent pas à rentrer dans un appartement, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent une énorme mitrailleuse, ils tirent dans les murs, quoi. Avec une roquette et tout. Enfin, eux, ils y vont vraiment à l'arsenal. Ouais, c'est limite, ils n'allaient pas monter les cages d'escalier avec un tank, quoi. Effectivement, moi j'ai cru qu'à un moment l'armée allait débarquer, quoi. Qu'ils allaient revenir d'Afghanistan, tu sais, pour rentrer chez Léon, quoi. Parce qu'ils sont quand même assez nombreux, ils sont combien, 450, non? Ils tuent je sais pas combien de manos. changement de tenue. Alors ça, c'est la bonne évasion, ça. On l'avait déjà vu, je pense. Il part en porte jartel. Avec sa robe de princesse. Non, mais j'avoue, c'est pas mal son évasion. C'est le truc qui a un petit peu bien pensé dans le film, quoi. Ah, moi j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Ouais. Mais c'est le premier film où il y a une évasion comme ça, ou parce que ça m'étonnerait qu'il ait eu l'idée. Je trouve ça vraiment intelligent. Non, il y a Midnight Express aussi, non? Enfin, ceci dit, moins bien, quand même. Ceci dit, j'ai quand même, quand tu regardes quand même bien la séquence, les mecs, alors, ils balancent en fait une espèce de fumée. Ouais, lui, il a des flics morts chez lui, hein. Il en a tué 2-3. Et il balance une fumée. Ouais, il se change instantanément. Il avait quand même 9 chances sur 10 de se retrouver en slip devant les mecs. En train de se changer, tu sais. Mais c'est pas moi! avec une jambe dans le fut, là. Merde, sautillant sur place. Mais alors surtout, coup de chapeau, parce qu'il a quand même pris le costume d'un flic qui faisait exactement sa taille et qui avait un trou, un impact de balle, exactement au même endroit où lui s'était lui-même pris une balle. Donc là, il a pas pris la porte. Ouais, c'est Léon, hein, c'est le sens du détail. C'est Léon. Hein. Ensuite, le duel final, explosion, sentiment, Eric Serra. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque? Non. J'ai une dernière anecdote, si vous voulez. Bah, allons-y. Hein, allons-y. Par contre, après, j'aimerais bien qu'on rappelle, que Greg nous rappelle ce qu'il a pensé. Moi, je trouve que ta conclusion, elle est hyper rapide, quoi. Ah bon? Tu dis pas qu'il meurt. Bah, il meurt. C'est vrai? Ah, il meurt. Ah bah moi je voulais laisser le suspense pour ceux qui l'ont pas vu. Donc oui, il meurt. Bah oui, c'est sûr. Gary Oldman aussi, il meurt. Mais comment il meurt? Il se sacrifie avec une grenade et il dit que c'est pour Mathilda et il se fait exploser avec Gary Oldman. Ouais. Ouais, enfin, il je voyais pas venir du tout ça. Franchement, en tout cas, ça n'a aucun putain de sens tout ça. Après, moi du coup, bien dit, Massive. Yes man. C'est la fin. Nathalie Portman retourne dans son école privée et tout, que je trouve un peu. Moi, j'aurais bien aimé que ça devienne une vraie tueuse, quoi. Non, mais tu sais, là, ça sonne un peu Famille Adams. T'as l'impression que c'est mercredi, tu sais, qui arrive à l'école, ouais, elle est complètement barge et elle va tuer des lapins, quoi, tu vois. À mon avis, tu vis un truc comme ça, c'est costaud. Moi, je pense que, après, ça, c'est l'imagination de chacun. À mon avis, il a peut-être voulu refaire Mathilda, la suite, mais peut-être que Nathalie Portman n'était pas OP, ou je sais pas, où il a pas eu le temps de le faire, mais il y aurait matière à faire une suite sur Mathilda. Ouais, est devenue une tueuse à gages, elle va chercher son argent chez Tony tous les mois, machin. Mais ça, c'est Nikita, non? Bah oui, mais alors déjà, Léon, ça lui est venu quand il a écrit Nikita. Évidemment, c'est quasiment la même histoire, quoi. Bah oui, mais c'est important de le souligner. Ouais, puis il y a Taxi Driver qui est passé sur TF1 pendant qu'il écrit son film. Lui-même copié sur un autre film. Il y a Jean Reno dans Nikita, déjà, de base. Et dernière chose, c'est que cette année-là, ils avaient déjà prévu de tourner le cinquième élément, mais Bruce Willis était trop occupé. Et du coup, pour pas perdre de temps et quand même tourner, et pas perdre son énergie créative, entre guillemets, il a écrit le film en 30 jours. Et ils l'ont tourné en 90 jours. C'est hyper rapide, hein. Mais n'empêche que c'est ironique parce que finalement, c'est, un des, fin, c'est ce qui est considéré comme un des meilleurs films de Besson. Quoi. Mmh. Voilà. C'est le meilleur film de Besson. Hein. J'ai entendu dire que De Niro avait une proposition pour jouer à la place de Alors, non, Allemand. Alors, le rôle a toujours été pensé pour Jean Reno et il y a Mel Gibson et Keanu Reeves qui étaient intéressés pour jouer Léon, mais ça a toujours été pensé pour Jean Reno. Bon, en vrai, il est bien. Enfin, tu mais vois, si, top, si tu retires ça, c'est bah, plus il a la pas même texte, chose. Quoi. Bien, tu mets Keanu Reeves à la place, franchement, c'est encore pire. Quoi, bah, ouais. Ah, mais non, mais ça marche pas. Ton film, il est foutu. Ah ouais, Monsieur Lys, là, totalement impossible. Quoi. Non, mais ça marche bien. Jean Reno est très bien. Moi j'aurais bien vu David Hasselhoff ou Eddie Murphy. Mais de toute façon, Jean Reno, il est bien dans les trucs genre comme ça. Jean Reno, il joue trop bien. Là, il est bien, là, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? Ou qu'il se taise à jamais. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 5 commentaires, 5 étoiles. J'en avais, il y en avait vraiment beaucoup hein, sur Léon. Hein. C'est un film populaire. Hein. Alors, on a Johanna qui commence, qui nous dit « J'ai pas encore regardé le DVD, mais on me l'a vivement conseillé. J'attends de le regarder avec impatience. 5 étoiles. » Merci pour ton intervention. Ensuite, on a Riwan B qui nous dit « Un très très beau film sur un tueur, une petite fille. » Et une plante. 5 étoiles, effectivement. Enfin, moi, je sais pas si vous connaissez, vous avez vu beaucoup de films de plantes, mais c'est probablement un des meilleurs rôles de plantes que j'ai jamais vu. Hein. Il y a eu un prix, d'ailleurs. On a le commentaire qui m'a fait hurler de rire, parce que je me demande vraiment ce qu'il foutait là. C'est David Bivas qui nous dit « Alors, ce soir, c'est Snoop Dogg Snoop Doggy Dogg Alors, qu'est-ce qu'on attend 5 étoiles Il sort d'où le man? J'aime bien oui. Parce que tu l'as vraiment imité comme un vieux con. C'est le mec qui arrive. Tu sais, genre, tu sais, ton oncle un peu chelou. Bip, bip. Alors ce soir, c'est Snoop Dogg. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, laisse-moi jouer à la play. Ensuite, on a un commentaire de quelqu'un qui devait sûrement pas parler français et qui a utilisé Google Traduction. C'est Zener qui dit un des meilleurs films jamais faits. Léon est l'un des plus grands et probablement la plupart des sous-estimés films du XXe siècle. Le chef-d'œuvre de Luc Besson est action emballée. Drôle et réconfortante. Jean Reno, Gary Oldman et Nathalie Portman donnent les exécutions de leur carrière. Si vous n'avez jamais vu ceci, allez en avant et l'achetez. Vous ne serez pas désolé. C'est peut-être juste un Québécois. Hein. Allez en avant et l'achetez. Non mais c'est sûr qu'il a fait. Il l'a écrit en français, il l'a passé en chinois et après il l'a remis en français. Ça fait des phrases comme ça. C'est dit, c'est cool. Et enfin, on finit avec le commentaire de fan de coach qui nous a laissé un joli commentaire sur Léon qui nous fait Léon. Mais vraiment, il commence toujours par impatient. Et vraiment un magnifique film sur la relation entre une petite fille et un tueur à gag. Il écrit comme ça, gag, il avait pas dit gag. Ah oui, j'ai vraiment adoré ce film qui est une œuvre vraiment touchante, marquante et percutante. Pour moi, c'est un coup de cœur, un très gros coup de cœur. Le personnage de Léon est juste énorme. Tueur à gag professionnel qui va prendre sur son aile la petite Mathilda qui a perdu toute sa famille lors d'un règlement de compte. Et là, on va se créer une relation puissante et affective entre ces deux personnages. Et l'un et l'autre, ils vont donner ce qu'il y a de meilleur en eux. Léon va donner la survie et l'espoir à Mathilda. Et Mathilda va lui apprendre la vie et apprécier la vie à ce tueur solidaire. Que dire, la relation est tellement intense et passionnante, c'est tout simplement magnifique. Bravo au duo Jean Reno et Nathalie Portman qui sont juste merveilles. un très beau duo, très touchant. Jean Reno en tueur à gag. Tiens là, son meilleur rôle. Il est absolument parfait, impeccable. Et la petite Nathalie Portman, son premier grand rôle qu'il a révélé. Et c'est juste remarquable et unique dans ce rôle de drogué de la brigade des stupes, Gary Oldman. Donc le scénario est vraiment excellent, passionnant et captivant de bout en bout, rempli d'émotions. Avec un final des plus mémorables et déchirants. Ensuite, les musiques sont tout simplement somptueuses et collent parfaitement à l'ambiance pesante et assez violente, voire même choquante à des moments du film. Donc la non-censure est très appréciable pour un film français. Et pour finir, la réalisation est vraiment excellente, très inspirée, avec de magnifiques plans de caméra et une mise en scène juste excellente. Luc Besson réalise ça son meilleur film, tout simplement. Voilà. Cette œuvre est vraiment énorme et remplie d'émotions entre Léon et Mathilda. Avoir absolument un énorme coup de cœur, mais aussi un véritable et implacable chef-d'œuvre, 5 étoiles. Bah voilà, vous pouvez aller vous coucher. Moi, je m'en lasse pas de fan de coach. Ouais. Mais il était pas un peu plus ironique avant? Ah non, c'est pas le même, je confonds avec un autre qui est marrant. Non, lui, il a l'air. Mais il écrit toujours la même chose, quoi. Coup de cœur, remarquable. Alors, il faut savoir que toutes les fautes que j'ai faites sont réellement écrites dans son texte. Hein. Il dit tueur à gag. C'est la révision de Word. C'est le. Il a peut-être utilisé Google Traduction. Voilà, c'était notre avis sur Léon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'aventure intérieure. Ouais. C'est un autre registre. C'est pas la même limonade, comme on dirait. Si vous voulez qu'on parle d'un de vos films, il faut l'ajouter au chapeau. Comment fait-on? Au chapeau, au sac poubelle. Comment fait-on? Un commentaire 5 étoiles sur iTunes et uniquement un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Et uniquement un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. D'ici là, faites de beaux rêves, quoi. Prenez soin de vous, exactement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Tous vous là, faites de beaux rêves. On salue Londres ou pas? Ouais, ah oui, à Londres. On remercie pour les milliers d'euros donnés. Hein. Chaque mois, ça tombe. Hein. Chaque année, chaque décennie. Nous n'avons pas commencé le versement, je pense. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Et on se quitte avec Sting. A king in his hand, while the memory of it fades. Et un message de Thibaut pour Nathalie. Chérie, je t'aime, je pense à toi très fort. J'espère te voir ce week-end au Mans. Not the shape of my heart. That's not the shape. En plein dans les dents. Je peux peut-être en profiter pour dire que je vends ma Fiat Panda. Lost.